laisse une étoile accrochée bien haut. Les écrivains se moquent de dire. Bienvenue à l'émission Bouquins et Confidences, Julie Collin au micro, avec vous jusqu'à 18h30. Aujourd'hui, je suis bien accompagnée de Pascal Rault. Bonjour Pascal. Bonjour Julie. Pascal, qui était notre invité la semaine passée, pour ceux qui écoutaient l'émission. Oui, mais je me suis tellement plu qu'après, Julie ne peut plus se débarrasser de moi. Fait que là, on s'est dit, ben oui, cette semaine, tu pourrais être co-animateur avec moi. On va rappeler brièvement le concept de l'émission. Pendant une heure, on discute des coulisses de la littérature. On essaie vraiment d'aller dans des choses qu'on ne parle pas habituellement. On essaie de, c'est ça, d'aller plus dans le fond, d'avoir du plaisir, une conversation assez informelle aussi. Et cette semaine, notre invité est Steve Laflamme. Bonjour Steve. Allô, ça va? Oui, ça va toi? Ben oui. Donc, tu es auteur d'un polar qui s'appelle « Le chercheur d'âme ». Tout à fait. Tout à fait. Et tu es aussi professeur de littérature au Cégep de Sainte-Foy. Et oui. Donc, tantôt, moi, je t'ai demandé qu'est-ce qui est arrivé en premier, parce que je ne sais jamais comment débuter les rencontres avec vous pendant une heure, les invités, parce que tout est quand même assez... qu'est-ce qui est arrivé en premier? Tu sais, dans le sens que la littérature, professeur de littérature, j'écris, puis tout ça, c'est que j'essaie peut-être d'essayer de voir un fil conducteur pour qu'on ait une heure assez intéressante ensemble. Et tu m'as dit que l'écriture est vraiment arrivée dans ta vie avant. L'écriture est arrivée avant. Par contre, moi, je ne fais pas partie du... T'sais, parfois, tu as le profil de l'auteur qui a commencé à lire très tôt, puis qui a su dès l'enfance, là, qui était émerveillé par les mots et tout ça. Puis moi, j'étais fort à l'école. J'écrivais bien. C'est dans la mesure où un enfant de 6, 7, 8 ans peut écrire bien, là, peut-être par rapport à d'autres de sa classe, mais j'avais une certaine facilité pour ça. Mais la lecture est apparue plutôt au secondaire, à l'école secondaire. Puis un de mes amis qui m'a fait découvrir Stephen King quand j'avais 15 ans, donc en secondaire 3, et à partir de là, j'ai été véritablement accroché. Moi, j'ai commencé avec le Stephen King nouvelliste. Donc avant de lire les romans, j'ai lu les recueils de nouvelles, puis j'ai été émerveillé par ça parce que je me reconnaissais dans la peur qui était transmise dans ces récits-là. C'est-à-dire qu'on a souvent entendu Stephen King dire qu'il était peureux quand il était petit et que pour lui, c'était une façon de canaliser ses peurs. Puis moi aussi, j'étais très peureux quand j'étais petit. Ça va être étrange pour ceux qui ont lu le roman là, et qui savent que c'est particulièrement sanglant, mais moi, j'avais peur du sang quand j'étais petit. Oh, donc, ouais. Je me suis assez bien repris. Là. Je suis vraiment surprise parce que, pour information, je n'ai pas lu le roman et tu sais très bien, Steve, que je ne le lirai jamais. Absolument. Je sais. Parce que je suis vraiment délicate. Je survivrai pas à ça. Et la lecture, il faut que ça reste agréable. Ouais. Donc, moi, je veux pas le lire parce que je suis trop délicate par rapport au sang et toutes ces affaires-là. Je peux pas lire ça. C'est que ça me surprend que tu dises que tu as peur du sang. Tu avais peur du sang, puis que là, maintenant, tu écrives des livres qui sont quand même assez. Ben, tu écris un livre qui est assez quand même graphique. Ouais. C'est peut-être pour me venger. Je sais pas. Peut-être. Mais pour aller dans le sens de Steve et pour connaître un peu et en fait beaucoup la vie de King, il fait aussi énormément de cauchemars, il a assisté des choses plus ou moins dramatiques dans sa vie d'enfant. Ouais. Et effectivement, comme la nouvelle Stand By Me, mm-hmm. Qui est basée sur le fait qu'un petit camarade d'école avait été retrouvé sans vie sur une voie de train frappé par un train, etc. Ouais. Et il en a fait une histoire. Et il dit que ses cauchemars et ses peurs ont nourri sa littérature et vice-versa. Ça finit par devenir un cercle vicieux ou vertueux selon... comment on l'utilise en littérature, mais oui, beaucoup d'écrivains écrivent sur leur peur aussi, et c'est ce qui en fait aussi de très bons écrivains. Oui, absolument. C'est ça, j'ai découvert King à 15 ans, j'ai rapidement eu envie de lire à peu près tout ce qu'il faisait. Bon, sans être méchant, j'ai arrêté pendant un petit bout de temps après les Tommyknockers parce que ça a comme marqué un clivage. Pour moi, le King d'après 1990... pour moi est moins intéressant, mais bon, on pourrait en parler longtemps, mais puis tout ça, bon, la lecture évidemment c'est exponentiel, hein. À partir du moment où on s'intéresse à un auteur, on voit d'autres auteurs apparentés, puis eux-mêmes nous dirigent vers d'autres, puis vers d'autres, ça c'est merveilleux. Donc assez rapidement, je me suis intéressé à l'épouvante, au fantastique, probablement pour la même raison que les jeunes s'y intéressent encore aujourd'hui, c'est-à-dire que tu veux être dépaysé, tu veux sortir de ta réalité. Et puis, mais moi, je reste convaincu quand même que c'est parce que j'étais foncièrement peureux quand j'étais jeune et que je me reconnaissais dans les histoires de peur que je lisais. Il y avait peut-être quelque chose d'un peu cathartique à ce moment-là. Puis éventuellement, ben c'est ça, je suis entré. Ça a été assez fort pour que je décide d'entrer au cégep en lettres. Et moi, je dis souvent que j'ai eu la chance très tôt de savoir ce que je voulais faire dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui ont tâtonné, qui ont essayé un programme, ça fonctionnait pas. Ils essayaient un autre programme, ça fonctionnait pas. Bon, des gens très proches de moi qui se sont trouvés, entre guillemets, là, assez tard. Moi, à partir du moment où j'ai découvert Stephen King, j'ai commencé à gribouiller mes propres histoires. Et puis bon, c'est le cliché là, de l'auteur québécois, du jeune québécois qui écrit avec des noms de personnages anglophones. Tu sais, c'était des Jack puis des Joe, là, même si on est... Les Français font ça aussi. Ah ouais. Par mimétisme, beaucoup. Puis... on pourrait revenir à ça d'ailleurs. Il y a une distanciation intéressante là, qui mais on peut, qui on peut faire une parenthèse ou tu peux en parler plus tard. Je te laisse y aller. Je vais essayer de m'en rappeler. Je vais mettre ça dans un coin de ma tête puis je vais essayer de m'en rappeler. À trois, on devrait être popé. OK. Et puis, ben c'est ça. J'ai eu envie, moi aussi, d'écrire mes propres histoires. C'était très maladroit, évidemment, comme ça l'est toujours quand on est jeune. Mais j'aimais assez ça pour savoir que c'est ce que je voulais faire. C'est ça, je suis entré au cégep en lettres en sachant dès ma première session que je voulais écrire, mais on s'est chargé de me désillusionner assez vite, c'est-à-dire que le petit gars naïf que j'étais était allé voir la conseillère comment on appelle ça, conseillère en orientation, et j'avais naïvement posé, tu sais, faut se replonger dans le contexte, j'avais peut-être 16 ans, j'avais naïvement posé la question: en quoi on doit étudier pour devenir écrivain? Et il y avait à l'époque ce qu'on appelle le système repère. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, là, au secondaire. C'était une espèce de système informatisé qui faisait qu'on pouvait faire des recherches par métier. Bon, il y avait une description, des études qui étaient nécessaires, puis bon, du profil de l'emploi, etc., etc. Puis on avait sorti, par curiosité, le profil du métier d'écrivain. Et sur la première ligne, c'était écrit « salaire annuel 4 000 ». Donc déjà, ça donnait une bonne indication. Donc ça donnait une bonne indication du fait qu'il fallait penser à un plan B. Donc quand je suis entré au cégep, ben j'ai vu des profs qui étaient assez inspirants pour me convaincre que j'avais envie d'enseigner la littérature au cégep moi aussi. Et moi j'ai eu cette chance-là assez tôt, comme je le dis, déjà à 17 ans, de savoir que j'allais enseigner la littérature au cégep. Pour moi, ça faisait aucun doute. Et tous les choix que j'ai faits par la suite était orienté vers ça, c'est-à-dire enseigner la littérature pour pouvoir mieux la connaître, pour pouvoir toujours être plongé dedans, pour pouvoir en lire continuellement, en parler continuellement. Puis moi, j'ai cette chance-là aujourd'hui de parler tout le temps de littérature avec des jeunes quotidiennement depuis des années. Ça fait 17 ans que j'enseigne au cégep de Sainte-Foy. Donc je peux parler de la littérature, je peux parler de ma passion, je peux parler de ce que j'aime. Les étudiants me disent que ça paraît que je suis passionné par ça parce que j'aime ça. J'ai la chance aussi de pouvoir écrire en marge de ça. C'est encore assez récent, c'est encore assez nouveau là, cette espèce de, j'ose pas appeler ça une carrière parallèle, parce qu'il y a quand même juste un roman qui est publié pour l'instant, puis on sait pas encore vers où ça mènera, mais j'ai bien l'intention d'explorer ce filon-là un peu, puis ces deux carrières-là parallèles, c'est extraordinaire. Moi, je suis très choyé, là. Moi, je parle de littérature tout le temps. Tu dis juste un roman, mais en même temps, on sait très bien qu'un roman, c'est beaucoup plus que juste de l'écrire, dans le sens que tu as travaillé quand même longtemps là-dessus. Donc, pour moi, en tout cas, de mon point de vue à moi, c'est une deuxième carrière. C'est quelque chose de parallèle quand même. Tu dois y mettre quand même un certain nombre d'heures, j'imagine. Oui, t'as raison. Ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a... Pour reprendre le cliché, là, le cliché de l'iceberg, là, il y a la pointe qui dépasse, mais il y a toute la partie qui est submergée, mm-hmm. là, qui est le temps qu'on y a mis, puis le temps auquel on y a pensé aussi. Le temps pendant lequel on y a pensé, je suis pas sûr que la syntaxe est extraordinaire dans ce que je viens de dire là. Le temps de recherche, oui, aussi, selon si tu as besoin de thèmes particuliers, d'univers particuliers. Par exemple, si on n'est pas policier et qu'on met des policiers en scène, il faut quand même se renseigner de comment ça fonctionne. Ouais. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'intervenants à qui poser des questions. Tout à fait. Puis on dirait que le premier roman, il y a quelque chose de particulier parce qu'on y pense vraiment très longtemps. Moi, l'histoire du chercheur d'âme m'est apparue il y a une quinzaine d'années. C'était un peu flou, ça s'est placé. Moi, je suis un preneur de notes, là. J'ai des dossiers chez moi là, qui sont dans mes tiroirs depuis le secondaire. Là, t'sais, ça s'appelle tout simplement idée de nouvelles, idée de roman. C'est ça, je prends des notes. Puis j'avais pris pas mal de notes là-dessus. J'avais une idée un peu grossière de ce que je voulais faire. Puis ça s'est précisé avec le temps. Puis à un moment donné, j'ai commencé à travailler sur ce roman-là. En fait, peut-être que là, je devance un peu tes questions, là, mais j'ai commencé par écrire le premier roman que j'ai écrit était un roman fantastique. Puis on pourra en parler si tu veux, parce que j'ai baigné longtemps dans le fantastique. C'est un roman qui avait toutes sortes de maladresses, toutes sortes d'imperfections, qui a été refusé à peu près partout, mais que je considère aujourd'hui un peu comme mon camp d'entraînement. C'est-à-dire que ça a été très formateur. Ça m'a appris quoi faire et quoi ne pas faire. Puis à un moment donné, j'ai comme voulu tourner la page. J'avais l'impression de, on en parlait avant l'émission tout à l'heure, j'avais l'impression d'avoir fait pas mal le tour de ce que j'avais à dire sur le fantastique. Puis j'ai voulu aller dans autre chose. Puis un peu par hasard, je suis tombé sur des romans policiers que j'ai beaucoup aimés, là. Le Dernier Testament de Philippe Leroy, Le Serment des Limbes de Jean-Christophe Granger. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé ces romans-là. Et j'ai ressorti les notes que j'avais sur le roman qui allait devenir Le Chercheur d'âmes. Et je vais dire ce que j'ai dit souvent. À partir du moment où je me suis assis pour écrire la première phrase du Chercheur d'âme, j'ai eu l'impression d'être arrivé chez moi. C'est-à-dire que j'ai senti un confort que je n'avais pas quand j'écrivais du fantastique. Puis si on est très rationnel, on peut se dire peut-être que c'est parce qu'il y a plus de portes qui s'ouvrent pour le polar que pour le fantastique, j'imagine, parce qu'il y a quand même peu d'éditeurs qui publient du fantastique au Québec. En tout cas, beaucoup moins qu'il y en a qui peuvent publier du polar, j'ai l'impression. C'est parce que beaucoup d'éditeurs sont aussi moins à l'aise de faire travailler des auteurs de fantastique ou de science-fiction et connaissent mieux les codes du polar. C'est vrai. C'est aussi c'est pour vrai. Ça. Oui, oui. Et au niveau de l'accompagnement, finalement, juste pour clarifier un peu, c'est au niveau de l'accompagnement des fois que les éditeurs ou les directeurs littéraires sont un peu moins à l'aise. Ce dont on parlait la semaine dernière en direction littéraire, c'est qu'il faut avoir un éditeur ou un directeur littéraire qui sache de quoi on parle, de tout simplement pour éviter de mener l'auteur dans des clichés ou des choses qui ont déjà été faites, et de répéter également. Il faut être à l'aise avec le son. Il faut être à l'aise avec certaines thématiques. Il y a des éditeurs qui diront peut-être ce roman-là, il est bon, mais je me sens pas à l'aise, désolé. Aller peut publier qu'un éditeur qui connaît ça. Ouais, t'as raison, parce que tu vois, c'est Jean Petitgroux justement il y a quelques années qui utilisait une belle formule. Il disait les littératures de genre, c'est une littérature d'empilement. C'est-à-dire que avec les années, avec les décennies, il y a un certain nombre il y a un empilement justement d'archétypes. Tu peux pas arriver du jour au lendemain sans jamais avoir rien lu de ces genres-là et dire bon, mais moi j'ai une excellente idée, je vais créer un personnage qui a les dents longues et qui croque les gens dans le cou. On va appeler ça un vampire. Ça n'a jamais été fait. C'est ça. Donc, et puis là, c'est très gros, évidemment. Même quelqu'un qui s'y connaît pas ferait pas ça. Mais il y a des clichés qui sont peut-être un petit peu plus subtils que ça, qui nécessitent qu'on lise dans ces genres-là, justement. Puis j'aime beaucoup l'expression, la littérature d'empilement, parce qu'effectivement, il faut faire ses classes un peu là avant d'entrer dans cet univers-là. Tu dis qu'il faut lire pour écrire. Des fois, j'entends des gens qui vont dire « Ah ben moi, je veux pas lire parce que je veux pas être contaminé par le style des autres, je veux pas être influencé, je veux rester pur. » C'est une excuse. C'est ce que je pense moi aussi. Moi, quand j'ai commencé ma maîtrise en création à l'Université Laval, la première question que m'a posée le professeur que j'avais approché a été la suivante « Aimez-vous lire et êtes-vous prêt à lire? » Et je trouvais ça un peu étrange comme question. Je dis « Ben oui, tout à fait. » Et il m'expliquait que plusieurs étudiants l'approchaient avec l'envie d'écrire, mais qu'il n'y avait pas vraiment envie de lire. Et ça, c'est une chose qu'on observe beaucoup. En fait, là, je veux pas emprunter une avenue un peu délicate, mais le nombre de biographies, d'autobiographies qu'on voit, on est à l'époque là, des réseaux sociaux en plus, où on a l'impression que notre vie intéresse tout le monde. Et donc, tout ce qu'on a à dire est intéressant, puis pourquoi pas en faire un livre, tant qu'à y être. Je fais ma biographie à 21 ans, j'ai rien vécu encore, mais pourquoi pas. T'sais. Les 3-4 dernières années étaient un peu palpitantes. Donc, on dit souvent la blague, tout le monde veut écrire, mais personne ne veut lire, véritablement. On a l'impression qu'on va intéresser tout le monde avec ce qu'on a à dire, mais on n'est pas toujours prêt à faire le sacrifice de lire ce que les autres ont fait pour faire ses classes. Mais j'ai l'impression que peut-être ça dénote que ces auteurs-là qui veulent écrire sans lire n'écrivent peut-être pas pour les bonnes raisons. Ah oui, peut-être, ouais. C'est souvent la réflexion que je me fais. Ouais. Pourquoi ils veulent tant écrire? Est-ce que c'est parce qu'ils ont quelque chose à dire ou est-ce qu'ils veulent simplement écrire pour exister, pour montrer? Mm-hmm. À ce moment-là, pourquoi je vais pas juste ouvrir un Instagram et se montrer? C'est vrai. Mais ça paraît bien d'avoir écrit un livre. quand même. C'est que j'imagine que des fois, il y a des gens pour qui c'est un objectif de vie un peu flou, où tu te dis « Ah, ben moi, je vais avoir écrit un livre dans ma vie », puis il y a peut-être ça. Oui, oui. Mais on ne peut pas nécessairement être dans la tête de des gens comme ça, mais pour en revenir à ce qu'on disait, pour écrire, il faut lire. Ça, c'est la base. Ben moi, ça me semble être une logique implacable. Là. C'est comme le recto et le verso d'une feuille. Là. C'est, je pense que tu n'écris pas si tu n'as pas déjà lu quelque chose qui t'a donné envie d'écrire, à mon c'est avis. C'est comme sinon, vouloir faire des films sans aller jamais au cinéma. Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je veux dire, le goût d'écrire, ça apparaît pas du jour au lendemain par une apparition divine. Là. Je veux dire, ça vient de quelque part, forcément. C'est sûrement parce que tu as lu quelque chose, ou à mon sens, en tout cas. Puis pour les structures de phrases, on en parlait aussi la semaine passée à l'émission, juste de voir un peu comment que les phrases sont écrites. Tu sais, des fois, quand on lit, on voit les choses qu'on aime. On se dit « Ah oui, ça, j'aime ça, j'aimerais ça réécrire quelque chose. » Tu sais, vivre ce sentiment-là, ou peu importe. Ouais. Des fois aussi, lire en français pour écrire en français. On en a parlé la semaine passée. Donc oui, les gens qui sont à l'écoute puis qui veulent écrire, lisez. Lisez, c'est absolument essentiel. Pour, oui, je sais pas, pour un texte que vous avez envie d'écrire, lisez 10 fois plus. Un rapport de 10 ouais. pour 1. Là, ouais. Okay. Au moins. Ah, c'est intéressant. Au moins, ben, il faut que tu vois, il faut que tu explores un peu. Il faut que tu vois, il y a tellement de couches à l'écriture qu'il faut voir, tu sais, le contenu, les clichés, les personnages. Puis une fois qu'on a réglé ça, entre guillemets, l'écriture elle-même. Moi, ça a pris beaucoup de temps avant que je trouve mon style. Excuse-moi, Pascal. Non, mais j'allais justement dans ton sens. C'est que sinon, si tu lis pas, si tu ne lis pas, comment tu fais la différence entre juste une écriture compétente et un style? C'est parce que, oui, on peut tous à peu près aligner des phrases avec une syntaxe correcte, mais entre juste un texte qui est juste compétent au niveau du français et quelque chose qui a du style, si tu ne lis pas, comment tu fais la différence? Ouais. Quelque chose qui va se distinguer aussi, voilà. Parce que ton livre, si tu l'écris puis tu travailles tout ce temps-là dessus, tu veux qu'il soit publié, qu'il soit lu, qu'il soit connu un peu. Tu veux pas rester anonyme non plus. Fait que j'imagine qu'il y a quand même un effort par rapport à ça aussi, sortir du lot. C'est ça. Comme tu disais, Steve, pour développer ton style, il a fallu que tu lises beaucoup et que tu écrives beaucoup. Puis encore, tu sais, je sais même pas si j'ai trouvé mon propre style, mais moi, je me rappelle d'un professeur au cégep qui me disait que j'avais tendance à écrire de façon très, très classique, tu sais, avec des phrases longues. Puis tu veux te prouver à un moment donné quand tu es étudiant en littérature. Puis bon, c'est un peu le syndrome là, de la société des poètes disparus. Là, puis bon, tu te prends un peu pour un autre. Puis tu écris des phrases, tu veux montrer que tu es capable d'écrire des phrases de 5 lignes qui syntaxiquement se tiennent. Puis bon. Puis un prof avait osé me dire écoute, tu écris peut-être de façon un peu trop classique. Tu vois, à un moment donné, tu vas trouver ton style. Tu vas trouver le ton qui t'appartient. Puis c'est drôle parce que il y a quelques mois, ma blonde et moi, on a initié nos enfants au badminton. Et mon fiston, qui a 7 ans et qui porte le même prénom que mon enquêteur dans le roman d'ailleurs, mon fiston, j'arrête pas de lui dire, écoute, quand tu fais ton service, là, tu prends beaucoup trop d'élan pour frapper. T'as pas besoin de prendre autant de faire ta motion aussi loin que ça. C'est juste un petit pop, ça va fonctionner, ça va être assez. Puis des fois, on a l'impression que c'est un peu la même chose quand on écrit. On veut faire de l'épate, on veut épater la galerie un peu, puis on va faire une phrase longue, on va mettre plein de mots recherchés. Tu sais, qu'il y a 3 personnes qui connaissent ces mots-là dans le monde. Alors que c'est des fois, ça peut être tout simple. Moi, j'ai lu, puis ça fait pas si longtemps que ça, là, moi j'ai 43 ans, j'ai lu il y a 3 ans On Writing de Stephen King, justement, dans lequel il cite Hemingway. Justement pour dire vous n'avez pas à écrire des phrases qui sont très compliquées. Tu sais, je me rappelle pas le titre de la nouvelle d'Hemingway qui est cité dans ce livre-là, mais il dit Hemingway écrit à un moment donné he went to the river was there. C'est des mots tout simples, il y a aucun mot de plus de 5 lettres dans ça, je pense, et ça dit plein de choses. Puis c'est tous des mots que tout le monde emploie chaque jour, mais ça dit plein de choses. Et puis moi-même, j'ose le dire à certains de mes étudiants aussi, je me rappelle avoir lu cet essai-là sur l'écriture pendant que j'avais une élève qui était très, très, très, comment dire, très baroque dans sa façon d'écrire. Là, c'était ampoulé, c'était très exagéré, c'était du subjonctif imparfait dans les dialogues, alors que, bon, ça manquait de réalisme un peu, puis je lui donnais ces exemples-là. Je disais, regarde, t'as pas besoin d'aller dans ce qui est très compliqué, vas-y avec la simplicité. T'sais. Puis moi-même, je me fais prendre au jeu quand j'écris, des fois, t'sais, parce qu'on veut avoir la punchline là, t'sais, qui est parfaite. Là, t'sais. Puis t'aimes ça, là, dans le dialogue, t'as envie d'avoir une réplique là, qui va devenir un classique. T'sais, tout le monde se fait prendre à ce jeu-là à un moment donné. Puis là, tu dis, bon... Peut-être que c'est un peu long, faudrait que je coupe un peu, mais bon, ce mot-là, je veux pas l'enlever parce que vraiment, ça va devenir un classique. C'est inévitable, je pense. D'autant que ta phrase classique sera probablement celle à laquelle tu n'as pas pensé. Ce sera pas celle-là dans exactement. Le roman, ça va être une autre. Ah oui, exactement, exactement. D'où l'importance du retravail, ce qui est pas évident à faire comprendre à tout le monde aujourd'hui. Je continue sur le fait que tu disais que des fois, il y a des gens qui vont forcer un peu le style, puis tout ça. Comme lecteur, quand on sent que c'est forcé, quand on sent que c'est trop bien écrit, on décroche aussi de l'histoire, des fois. Ouais. Quand on se dit, ben voyons, il me semble qu'il faudrait que je sorte un dictionnaire, ou ah, il a voulu plugger ça, il a voulu montrer à quel point il est brillant, ou peu importe, on décroche. Ouais. C'est... On dit toujours « less is more », puis c'est donc pas évident, ça. C'est donc pas évident, le « less is more ». Parce qu'on se fait tous prendre au jeu, on se dit « ben j'écris, je peux pas ». Puis c'est un peu, on en arrive à ce dont on avait parlé il y a quelque temps, en prévision de l'entrevue, justement. Je te disais que moi, j'étais un peu tiraillé entre le fait d'écrire dans un genre populaire, là, je le dis au sens positif, versus le fait d'enseigner de la littérature. Puis je veux pas être pris avec le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que si j'écris un roman dans lequel il y a ce qu'on appelle, j'aime pas beaucoup cette expression-là, mais l'écriture blanche, là, c'est-à-dire qui sans relief véritablement, puis qui dit ce qu'elle doit dire sans plus, ben moi je veux pas être associé à ça parce que je veux pas avoir l'impression que n'importe qui aurait pu écrire mon roman. À l'inverse, si je fais un petit peu trop de pirouettes stylistiques, ben là je perds mon lecteur. Puis ça devient artificiel. Puis justement, ma directrice littéraire me disait encore il n'y a pas si longtemps, il faut que ça a l'air cliché et ça a l'air un peu bonbon de dire ça, mais il faut que ça vienne du cœur. Parle avec ton cœur. Si c'est vrai, on va le sentir. Je suis entièrement d'accord avec ça. Pour toi, il faut que tu y croies ton histoire. Quand tu la racontes, il faut que tu y croies. Faut que tu y crois, mais il faut que tu crois aussi à la façon dont tu la racontes. C'est-à-dire que... Je veux pas parler comme un auteur expérimenté parce que je ne le suis pas tant que ça, mais comme on le disait tout à l'heure, derrière ce roman-là, il y a quand même pas mal d'années là, d'écriture novice aussi. Là. On en vient à le sentir, ça. C'est-à-dire que c'est un peu comme... On commence à s'en douter à un moment donné avec l'expérience quand il y a quelque chose qui est forcé. Tu sais, t'as l'impression là, que ta phrase, là, elle finit pas, là. Tu sais, ça fait trois lignes, là, puis je sais pas comment la finir, puis je l'étire parce que je sais pas comment elle doit finir, cette phrase-là. Ou des fois, parfois, j'écris des... Il y a des chapitres là où je me tombe sur les nerfs. C'est épouvantable. Et je sais que ce que j'écris est mauvais. Puis plus j'en écris, plus c'est mauvais. Puis j'ai l'impression de m'enfoncer dans des sables mouvants. Tu sais, plus tu bouges, plus tu t'enfonces. Là, j'ai l'impression que chaque fois que j'ajoute une ligne, c'est de plus en plus mauvais. Je laisse ça reposer un peu, le lendemain j'y reviens, puis là je trouve une phrase ou deux qui ont de l'allure, j'efface le reste puis je travaille autour de ça, mais on en revient encore à la même chose, l'importance du retravail, de la réécriture. Tu sais, il y a beaucoup d'étudiants, parfois en littérature, parfois dans des programmes généraux là, au cégep, à qui on a beaucoup de difficultés à faire comprendre l'importance de réécrire, puis de réécrire encore, puis de... tu sais, l'espèce de mythe là, du premier jet là, tu sais, auquel on touche pas parce que c'est le Saint Graal, là, voyons donc. <t'sais>. En effet, ça, c'est assez clair qu'il y a beaucoup de travail derrière un livre. Puis même, peu importe le texte, en fait, la réécriture, on le dit, on va le redire encore, tout à fait. Toi, t'es prof au cégep. Comment tu fais pour sélectionner les œuvres que tu fais lire justement à tes étudiants? Une autre question. Oui, toi? J'avais une question en rapport avec la réécriture. Est-ce que tu trouves ça facile de travailler avec un directeur littéraire? Si je me fie à l'expérience que j'ai connue pour le chercheur d'âme, pas toujours facile au sens où on se fait vraiment challenger. Oui, ça prend. On est obligé de mettre notre ego. Oui, absolument, de côté, mais... absolument. Puis des fois, tu sais, on se fait ébranler là. Je m'en cache pas là. C'est puis en discutant avec des auteurs chevronnés qui publient depuis très longtemps, je me rends compte que même encore aujourd'hui, eux d'abord sont passés par là aussi. Ça fait partie de la game, comme on dit. Puis encore aujourd'hui, ils se font challenger. Donc, on en vient à comprendre à un moment donné là que c'est pour le bien du roman, puis que ça en fait partie. Mais ça a été tellement une expérience extraordinaire, moi, la direction littéraire, parce que j'ai eu une directrice littéraire qui a fait une lecture extraordinairement minutieuse de mon roman, c'est-à-dire qu'à toutes les lignes ou à peu près, il y avait quelque chose. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'était mauvais, mais elle me questionnait sur le choix de tel mot. Des fois, c'était du lexique. Parfois, c'était sur la réaction des personnages. C'est bon, je suis pas sûr que c'est plausible que le personnage réagisse comme ça à tel endroit. Peut-être que un petit peu plus loin, bon, il y a deux pages, là, tu as dit ça. Là, ici, tu dis le contraire, ça marche pas. T'sais. Donc, ça prend quelqu'un qui a un œil comme ça pour lire. Et moi, en observant ma directrice littéraire, puis je lui ai dit d'ailleurs, je me suis rendu compte que c'est un travail que je pourrais pas faire parce que ça demande une générosité totale. Il faut que tu sois complètement abandonné dans le texte. Il faut que tu t'abandonnes, c'est-à-dire tu t'abandonnes totalement au texte et tu penses pas à toi. Tu penses à l'auteur, puis tu penses au bien de l'œuvre. Ça demande une concentration extraordinaire, ça demande une mémoire extraordinaire aussi. Puis moi, c'est un... vous ne le verrez pas à la radio, mais je me prosterne actuellement parce que je trouve que c'est un travail qui est très précieux, absolument nécessaire et pas nécessairement toujours facile pour l'auteur, mais c'est peut-être bon signe, justement. Ouais, c'est intéressant, ça, comme question. En effet, surtout que, Pascal, tu es directeur littéraire toi-même. Je suis de tous les côtés de la barrière. Oui, c'est ça. À la fois. En tant qu'auteur, en tant que directeur littéraire, en tant que traducteur, en tant qu'ancien critique, en tant qu'ancien libraire. Je trouve ça intéressant de voir, parce qu'évidemment, les auteurs que je dirige me parlent, mais bon, là, je suis pas ton directeur littéraire. C'est intéressant de voir comment les auteurs vivent vraiment la direction littéraire et souvent à quel point ils trouvent ça finalement très utile, même si ça peut être vraiment rough. C'est dur, mais on comprend que c'est utile à un moment donné. Puis peut-être que j'aurais pas eu la même réaction aussi si j'avais écrit ce roman-là à 22 ans. Tu sais, là, j'ai quand même du recul. J'ai lu pas mal dans ma vie. Puis, tu sais, je parlais avec un auteur aussi il y a quelques années qui me disait, moi, mes deux premiers romans, je les ai publiés dans une maison d'édition où il n'y avait pas vraiment de spécialiste du polar. Donc, on les a publiés presque tels quels. Puis rendu au troisième, ben j'ai voulu être challengé un peu. Donc, je leur ai demandé de trouver quelqu'un. Puis, ça a l'air un peu masochiste, mais en même temps, si on veut s'améliorer, ben, il faut avoir un regard extérieur. Là. On peut pas toujours avoir le nez collé là-dessus. Puis, on n'a pas de recul. Absolument pas. Absolument on la pas. Connaît beaucoup, notre histoire. Puis même oui. Quand on écrit un texte vraiment dans la vie de tous les jours, si on n'a pas le recul nécessaire non plus, des fois, on lit la phrase, puis on voit même pas qu'il manque un mot dedans, on voit même pas qu'on a dit le contraire de ce qu'on voulait dire. Ouais. Tu vois pas que tu as utilisé quatre fois le même mot dans la page. C'est ça. Tu vois plus rien. À un moment donné, c'est presque... Je sais pas là, comment expliquer ça, mais on ne voit plus rien à un moment donné. Mmh. Évidemment, avant d'envoyer le manuscrit à l'éditeur, ben tu l'as lu deux, trois, quatre fois peut-être. Après ça, pendant le processus éditorial, tu le relis encore une, deux, trois fois peut-être, je sais pas, les épreuves, la même chose. Donc en bout de ligne, tu as lu peut-être 10, 12 fois ton roman. Donc c'était un peu sur le pilote automatique, puis il y a des choses que tu vois plus. Puis ton cerveau à toi, il a intégré les 15 versions précédentes. Oui. Donc tu sais, ton cerveau ne fait plus le tri entre ce qui est dans le texte définitif et ce à quoi tu as pensé, ce que tu avais proposé, ce qui a été retiré, ce qui a été ajouté. Oui. T'as plus du tout le recul. Exactement. Puis heureusement, moi, ça m'est pas encore arrivé en entrevue de parler pendant 2-3 minutes d'un passage qui a été supprimé puis que personne n'a jamais lu. Ça m'est pas arrivé encore, heureusement, mais ça pourrait arriver parce que le roman était beaucoup plus long que ça dans la version manuscrite, là. Là, on parle d'un roman. Ouais, je pense qu'on va. J'ai une question, mais je la garde. On va aller en pub. Je vois l'heure passer. Là. On va en pub, puis on revient avec la suite de la discussion. C'est super intéressant. Donc, reste à l'écoute. 89.1.